marche sur la terre, une petite extraterrestre qui découvrit que dans son cœur l'étoile de l'amour brillera pour toujours. Toi tu n'es pas extraterrestre, ton prénom à toi c'est Ronny. Depuis toujours je t'ai rêvé et je t'imaginais tendre tout plein d'amour. Mon nom est Lamu, Lamu, je viens du fin fond de l'espace. Mon nom est Lamu, Lamu, je ne suis pas de votre race. Mon nom est Lamu, Lamu, et je ne manque pas d'audace. Mon nom est Lamu, Lamu, et j'oublie tout quand tu m'embrasses. Je viens du fin fond de l'espace. Mon nom est Lamu, Lamu, je ne suis pas de votre race. Mon nom est Lamu, Lamu, et sur la terre j'ai rencontré. Mon nom est Lamu, Lamu, l'amour et je veux le garder. Tes cœurs est partagé entre l'amour et l'honneur, les sentiments pour toi sont un peu mélangés. Arrêtons de nous faire du mal, il est grand temps de s'amuser. En route vers l'aventure, avec toi je suis sûre que tout va s'arranger. Mon nom est Lamu, Lamu, je viens du fin fond de l'espace. Pour me plaire. Lamu, veux passer ma vie.